je ne comprends pas. Moi, je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus et aujourd'hui, le bodybuilding. Outrancier, démesuré, aguicheur, viril, le corps bodybuildé nous interpelle. Il étonne, détonne, séduit ou dégoûte. Mais pourquoi ne laisse-t-il jamais indifférent? Que dérange-t-il en nous? Car si on y pense, un corps bodybuildé ne fait qu'exalter des normes tant vantées. La beauté, la santé, la solidité, la virilité. Mais poussées à leur extrême, exposées, cultivées, ces normes sont-elles encore normales? Putain, je suis moche, je suis moche, je suis moche! Pas de pec, j'ai pas de bras, j'ai pas de corps, regarde-moi ça, c'est mollet, c'est des cure-dents. Mes abdos, c'est du flan, putain, faut que tu bosses, faut que tu bosses! Tu as envie de devenir musclé rapidement et en plus, t'as envie de changer ta routine d'entraînement? Alors, mon poteau, cette vidéo, elle est pour toi! Non, mais ça va pas là, tu vois pas que je suis en train de bosser? Tout est vu. C'est plus du sport, c'est de la sculpture! Au Canada, on a cherché et trouvé le plus beau parmi les beaux. Cela donne parfois lieu à des jeux de biceps, triceps et autres quadriceps d'un curieux effet. Bien sûr, j'aime vos muscles superbes et vos dents éclatantes. Mais je sais que derrière ce masque se cache un homme. Le culturisme, c'est une harmonie du corps, aussi bien en volume qu'en esthétique. Je sais pas, le corps luisant, assez beau quand même. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur du Mystère Mishima, paru tout récemment aux éditions Gallimard dans la collection Arcade. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un article sur le bodybuilding, Beefcake, corps gay, hystérique et érotique. C'est paru dans la revue Critique aux éditions de Minuit. Bon, je pense qu'on a bien compris de quoi on allait parler ce matin. La chanson de Sheila nous indique très clairement la voie à suivre. On parle donc de bodybuilding. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition du bodybuilding? Alors, si on traduit mot à mot le terme anglais, ça veut dire construction du corps. Je crois qu'on peut parler davantage peut-être de sculpture du corps, parce qu'en fait, il s'agit véritablement de révéler des muscles, des parties de nous-mêmes qui sont, dans la plupart des cas, complètement invisibles et insoupçonnées. Donc c'est une révélation de potentiel. C'est à la fois quelque chose qui a rapport à la physiologie, avec des éléments très importants. C'est pas seulement un entraînement, c'est aussi une nutrition. Et puis, je dirais, bon, ça court de des pratiques simples de musculation jusqu'à la le bodybuilding de compétition. Et le mot qu'on a entendu aussi qui est très intéressant, c'est celui de culturisme, qui indique qu'il y a aussi une dimension religieuse dans tout ça un peu. C'est aussi un culte rendu au corps. Le bodybuilding, c'est le mot américain, anglo-saxon pour culturisme, c'est ça? On peut dire qu'ils sont complètement synonymes ou faire une différence? En philosophie, il n'y a jamais deux synonymes, vous savez, mais disons qu'effectivement, c'est comme ça qu'on le trouverait peut-être dans les dictionnaires, même si en fait, on voit bien aussi que ce n'est pas exactement équivalent dans la mesure où justement on a ressenti en français la nécessité d'importer le terme. Donc, les nuances, c'est quoi? C'est, je pense, le culturisme, c'est quand même un sport de compétition en fait. Vraiment, bodybuilding, pour moi, c'est un processus beaucoup plus commun en fait. Hein. Je dirais, toute personne qui va à la gymnastique et qui soulève des poids ou qui s'entretient contribue à son bodybuilding en fait. Pourquoi vous avez travaillé sur ce thème du bodybuilding, Thierry Hoquet? Quelle vous semblait être la question philosophique en fait posée par cet objet? Bien, en fait, c'est intéressant de voir que cette pratique, elle réunit tout un ensemble de contradictions, de choses qui tiennent pas ensemble. C'est-à-dire, en fait, je dirais, quel est le corps naturel que l'on doit avoir? Quel est le corps qui est acceptable? Quel est le corps qui est recevable? Quel est le corps également qui est désirable? Donc, toutes ces questions, ce sont des questions, effectivement, qui s'impose à la philosophie et qui se rendent visibles dans la question du bodybuilding, parce qu'en fait, on se demande si le bodybuilder a un corps qui est authentique ou pas, s'il a un corps qui est utile ou pas. On voit souvent des fois dans des films comiques des scènes où on a le bodybuilder qui sort de la salle de gym et qui est incapable de soulever un cajot ou je ne sais quoi, enfin vous voyez. Donc on se dit finalement, quel est le corps qui est désirable pour un individu lui-même, mais aussi c'est un corps qui se met en société, puisque c'est un corps qui est fait pour être visible, en fait, pas pour être caché derrière des vêtements. Donc il y a toutes ces tensions que je trouve intéressantes. C'est un corps pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis il y a cette idée aussi qu'avec le bodybuilding, parce qu'on peut quand même dire que c'est pas donné à tout le monde d'en faire, enfin tout le monde peut en faire, mais finalement on a quand même l'impression que le bodybuilding concerne une partie de la population qui se consacre véritablement à ça, c'est véritablement une discipline, une passion, mais donc on peut dire que le bodybuilding, en posant ces questions qui traversent le corps, nous permet à chacun qui avons un corps d'éclairer peut-être autrement ce rapport-là, comment notre corps peut-il être authentique, ou donné à l'autre, ou exposé, par quelle norme est-il traversé? Oui. Alors vous utilisez beaucoup le mot norme, alors je crois que c'est intéressant de se demander justement si justement le corps du bodybuilder est un corps normé au sens où il tenterait désespérément de se conformer à des normes, ou si c'est un corps libéré par exemple. La question que je veux poser par là, c'est pourquoi un corps bedonnant par exemple serait moins normé qu'un corps bodybuildé en fait? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Vous avez aussi parlé d'un corps viril. Il faut rappeler que le bodybuilding, c'est aussi une pratique féminine en fait. Je sais pas si le nom de Gina La Spina est familier de votre auditoire, mais voilà, c'est il y a des figures très importantes de Lisa Lyon aussi, voilà, de bodybuildeuses, et je pense que si on leur consacrait des statues sur les places publiques de nos jolies cités, ça donnerait aussi des idées, ça changerait par exemple la vision du corps féminin comme un corps de Vénus Alanguy par exemple qu'on peut associé. Donc finalement, le bodybuilding, on peut le dire, est une manière, je reprends mon terme de norme, de révéler ces normes ou de les contester. Voilà, en fait, c'est-à-dire, est-ce que le corps bodybuildé serait nécessairement un corps, on va dire, néo-fordiste, productiviste, un corps en pièces, un corps décomposé, on l'a entendu, en biceps, quadriceps, triceps, un corps qui ne ferait plus une unité, qui ne ferait plus un organisme, qui ferait une série de pièces rapportées, rapprochées les unes des autres, mais ne faisant pas une totalité harmonieuse? Ou est-ce que ça ne serait pas simplement une forme exacerbée, une forme contemporaine de ce qu'on représentait dans l'Antiquité, l'idéal grec de la beauté classique ou la figure d'Hercule? I don't have any weak points. Je n'ai aucun point faible. J'en avais, il y a 2 ans. Mais mon principal souci a été d'équilibrer tout pour obtenir une proportion qui soit la perfection même. Ce qui fait que lorsque je veux augmenter un muscle d'un centimètre, j'en fais autant pour tous les autres. Je ne ferai jamais grossir ou réduire un muscle seul, car mon harmonie parfaite serait détruite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tenter d'améliorer mon enchaînement, si ce n'était impossible, vu son haut degré de classicisme artistique. Mais ça, il ne pourrait pas être plus impeccable. Vous voyez, c'est beau comme de la dentelle. Attendez de voir ça. Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer, moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain. Chair, peau, sang, il fait partie du groupe des cyborgs. La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer, mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. Peut-être avez-vous reconnu, c'était un extrait de Terminator, le film de James Cameron, qui date de 1984, mais peut-être n'avez-vous pas reconnu Pumping Iron, le documentaire de George Butler et Robert Fiore, qui date de 1977. Évidemment, ces deux éléments nous permettent, okay, de parler de la figure de Arnold Schwarzenegger. Vous avez parlé du corps antique, de la figure d'Hercule, mais on a plus en tête un corps comme celui d'Arnold Schwarzenegger, qui peut-être est une manière de réactiver d'ailleurs ce goût pour les statues antiques, le corps antique qui serait un corps parfaitement harmonieux, dont rien, duquel rien n'excède et tout est parfaitement contrôlé. Alors déjà, dans les modèles antiques dont nous disposons, il y a plusieurs sortes en fait. Et justement, je crois que le modèle de l'Éphèbe apollinien, de l'Antinoüs, du Kouros, etc., n'est pas le modèle de l'Hercule. Donc déjà, dans l'Hercule grec, il y a quelque chose de bovin, de massif, qui n'est pas la grâce de l'Éphèbe en fait. C'est donc, pas l'Apollon quoi. C'est pas l'Apollon, non. Donc il y a déjà plusieurs modèles, plusieurs manières de représenter le corps qui peuvent renvoyer à différentes morphologies, peut-être à différents âges de la vie aussi. On peut pas peut-être rester Apollon toute sa vie. À un moment, il y a un point de bascule vers l'herculisme. Il y a aussi des choses intéressantes, je trouve, dans ce qui est dit, puisque vous avez interrogé aussi la respectabilité de ce corps, le fait qu'il dérange, le fait que finalement, le Terminator, c'est très intéressant de voir que... Alors d'abord, dans le culturisme, les modèles grecs sont toujours présents, c'est-à-dire c'est toujours, c'est par exemple c'est Miss Olympia, voilà. Donc on est toujours dans une optique de dieu grec. Hein. Ça c'est le premier point. Et l'autre chose, c'est intéressant de voir que le corps de bodybuilder de Schwarzenegger a été recyclé en corps de machine en fait. On vous dit Terminator c'est un cyborg. Non en fait, c'est une pure machine qui a juste un revêtement de peau artificielle, mais on sait bien parce qu'on peut enlever cette peau et la machine continue de fonctionner. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a décodé en quelque sorte le corps sculpté, c'est-à-dire le sublime de la chair en fait, ce que la chair peut faire de plus extraordinaire, on l'a décodé ou recodé en machine. Et de ce point de vue-là, je ne veux pas surinterpréter, mais le titre que vous avez dit pour le documentaire, c'est-à-dire « Pumping Iron », c'est à la fois, on va dire, soulever de la fonte, mais c'est aussi, on peut l'interpréter comme de la fonte qui pompe, en fait. Donc c'est Schwarzenegger lui-même, non pas qui soulève de la fonte, mais qui est de la fonte, qui est de l'acier, en fait. Donc, il y a derrière ce corps du bodybuilder l'idée que c'est un corps entièrement mécanisé, entièrement figé, entièrement solide. Et là, on a effectivement des idéaux de masculinité, des représentations de masculinité qui sont derrière, si on accepte que la distinction masculin-féminin, c'est une distinction justement entre du solide et du fluide, par exemple. Donc, on peut dire qu'il y a tout un imaginaire qui est réinvesti ici de la différence des sexes à travers ce corps solide masculin et versus un corps fluide. Donc, le corps du bodybuilder, ça serait un corps qui refuse la fluidité, donc le féminin en lui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée justement de corps conçu comme une machine? Parce que vous l'avez dit, Thierry Hoquet, c'est toute une discipline, tout un savoir-faire. Les bodybuilders, en fait, finalement, ce ne sont pas seulement ceux qui font de la compétition, mais ceux qui, au quotidien, en fait, vont suivre tout un régime, des entraînements, qui finalement vont vraiment cultiver leur corps. Est-ce qu'ils en viennent à révéler d'une certaine manière la nature de leur corps, à la surnaturer ou au contraire à la dénaturer puisqu'ils en reviennent à une dimension purement mécanique? Est-ce que, et ça pose la question au fond de quel corps est en jeu? Est-ce qu'on a une vision mécaniste du corps ou au contraire une vision beaucoup plus organique? Ce qui me frappe ici, c'est véritablement la discipline qui est nécessaire. Voilà. Donc en fait, il y a très loin du rêve à la réalisation. Il y a très loin de « je voudrais avoir des abdos » comme on l'entendait dans les petits extraits de films que vous avez diffusés. Comme c'était facile en fait. Comme si c'était facile. C'est pas quelque chose que l'on se donne le corps par un coup de baguette magique. Et donc, je trouve ça très intéressant. C'est l'emploi des gérondifs en anglais, bodybuilding. C'est-à-dire, c'est un travail de construction. Et ce travail de construction, il est possible à force d'entraînement, il est possible à force de volonté, il est possible parce qu'on se fixe par avance une sorte d'idéal. Donc, c'est une activité intensément humaine, en fait. Hein. C'est une sculpture que l'on fait, réalise sur soi-même. Donc, ça a quelque chose de tout à fait intéressant, saisissant, finalement. C'est le travail de toute vie, de se sculpter soi-même. Et on peut pas dire que c'est uniquement quelque chose de physique que ce bodybuilding, puisqu'il traduit aussi tout un ensemble de valeurs morales, de vertus morales. C'est une discipline qui peut virer à la folie même, parce que c'est une discipline effectivement de contrôle, de surveillance, qui n'exige, enfin c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la vie monastique presque, hein. Ça demande de l'ascétisme, c'est pas un corps de jouissance en apparence, c'est un corps d'abord de contrôle. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi un corps de plaisir, c'est un corps qui est voué à se donner du plaisir à soi, à se montrer le respect que l'on se porte, mais c'est aussi un corps qui est fait pour être montré, pour produire du plaisir chez les autres, qui est fait pour être consommé. Et ça, c'est très intéressant, cette sorte d'exhibitionnisme presque, c'est-à-dire ce désir d'être vu et admiré. Alors tout ce travail, vous avez insisté d'ailleurs sur le fait que ce soit du bodybuilding, donc ça veut dire on est toujours en cours, on est toujours en entraînement, c'est toujours un travail sur soi et sur son corps. Il y a tout d'ailleurs, en fait, quand on parle de la dimension du bodybuilding dans sa dimension extérieure, on insiste beaucoup sur la plastique de ces corps, et pourtant toutes les postures, toutes les poses semblent extrêmement figées. Ça rejoint d'ailleurs l'idée un peu d'un corps machine, solide, masculin, qui serait figé dans des poses et qui va un peu à l'encontre de tout ce travail, toute cette fluidité, toute cette organicité qui permettrait de parvenir à ce résultat qui est effectivement lissé. C'est-à-dire, s'il y a plastique, il y a plasticité. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant d'abord, c'est-à-dire de voir que il y a dans nos corps des potentialités insoupçonnées. C'est intéressant, je veux dire. Il y a des virtualités, des choses que la plupart d'entre nous ne réaliseront jamais, n'effectueront jamais. Mais ce qui est fou, c'est de découvrir par exemple qu'on a des muscles qui existent à certains endroits, par exemple, dont on n'a pas idée et qu'on va développer, par exemple, avec le bodybuilding. Oui, ou même la manière dont, par exemple, les veines se mettent à saillir sur le corps musclé, la manière dont le corps peut se déployer, en fait. Donc, ce qu'on appelle en bodybuilding, je crois, le posing, c'est-à-dire ce que vous décrivez comme le fait d'adopter des poses un peu stéréotypées, c'est justement toutes les dispositifs par lesquels les muscles se donnent à voir, en fait, sont révélés. Donc, en ce moment, il y a une exposition au Musée de l'Homme sur les limites du corps, les frontières de l'humain, et on voit Teddy Riner, le judoka, face à Marie-Amélie Le Fur, l'athlète handisport, et on voit la différence des tailles, la différence des morphotypes. Voilà. Et donc, c'est le bodybuilding, à mon avis, il entre dans cette gamme-là, au sens où il révèle que être humain, ça peut prendre différentes formes. Il peut y avoir des différences de taille, de masse, de voilà. Eh bien, il nous révèle des potentialités sur ce que nous sommes. Et ces potentialités-là, on ne les trouve pas toutes faites dans la nature. Et du coup, si on le prend vraiment au sérieux, ça veut dire que le bodybuilder, ce qu'il nous explique, c'est que même les corps les plus ordinaires, les plus banals, le mien, le vôtre, voilà. Eh bien, ce ne sont pas des corps qu'on trouve tout seul dans la nature. Ce sont aussi des corps fabriqués. Alors, on peut dire que ce sont des corps qui sont fabriqués aussi par la mollesse, par le plaisir, mais qui sont travaillés par d'autres valeurs et par d'autres normes. C'est pas vrai que le corps échapperait à toute normativité. Le corps ne nous est pas donné dans sa pure nature comme ça, c'est ça que vous nous aucun dites. Corps, voilà. Aucun corps n'est donné dans sa pure nature. C'est-à-dire même les corps non bodybuildés, ils sont aussi des corps construits finalement. When we see a man lorsqu'on voit un homme as a woman, we tend to say, se comporte comme une femme, really a man, and this on se dit « Ah, mais c'est un homme !» Et donc, cette prestation en tant que femme, ça nous emmène dans l'irréel. On est dans le domaine de la pure apparence, simplement. Or, que se passe-t-il si cette prestation transforme effectivement ce que nous, au final, nous entendons par masculin, par féminin? Et pourquoi ne pas envisager aussi que notre vie quotidienne passe par justement une certaine prestation, exécution du genre de notre part? Je ne pense pas simplement à l'habillement, aux vêtements. Il y a toute l'attitude corporelle par rapport aux autres qui est en jeu. Est-ce que le genre en tant que norme n'est pas reconstruit, remodelé complètement par ces différentes présentations, ces différentes prestations ou exécutions publique que j'évoquais? Si on pense que le genre est historique, si l'on croit également que le genre est quelque chose de fait, de fabriqué, alors il faut se demander comment il est fabriqué, quels sont les rituels au quotidien qui y participent, quels sont les actes quotidiens qui nous permettent de produire et de reproduire le genre en tant que catégorie historique. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Honey, you hurt yourself. I can't play tennis, my golf's a menace, I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball, ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? La voix de Jane Russell, c'est une chanson que vous nous avez conseillée, Thierry Hockey. C'est juste après la voix de Judith Butler. Mais avant qu'on parle de l'archive de Judith Butler, hein, qui va nous éclairer sur cette idée de performance et de travail de soi, pourquoi cette chanson de Jane Russell? J'adore cette scène. C'est dans Les hommes préfèrent les blondes. On voit Jane Russell au bord d'une piscine qui marche devant des beefcakes, donc des jeunes et faibles gymnastes sculptés qui tombent les uns après les autres dans la piscine comme des dominos. Et la pauvre Jane, elle cherche quelqu'un pour jouer avec elle, en fait. Hein. Donc, on a toute l'ambivalence de ce corps sculpté, qu'on peut soupçonner d'être un corps exhibitionniste ou narcissique, mais qui est un corps aussi pour la joie, pour le plaisir, qui est un corps beau à contempler. Mais jusqu'où aller avec Jane Russell? Est-ce que c'est un corps fait pour la sexualité? Et puis, on a entendu dans l'archive donc de Judith Butler, cette archive qui date du 25 mai 2005, qui vient d'une émission diffusée sur France Culture, l'émission de Sylvain Bourmeau, La suite dans les idées. Donc, cette archive de Judith Butler, justement, nous interroge sur ces performances, ces moments où, en fait, on se montre dans son genre et où, en fait, on peut peut-être, dans des performances, et où, en fait, on va peut-être pouvoir soit entériner ces normes de genre, donc féminin ou masculin, ou au contraire les bouleverser, les subvertir. Et le bodybuilding pose cette question-là, et aussi d'ailleurs cet extrait de Jane Russell, en fait, jusqu'où finalement ces corps beaux n'entérinent-ils pas tout un ensemble de normes de genre avec lesquelles on ne peut pas forcément jouer. Alors, est-ce que ce sont des corps beaux? Je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est la construction du corps ou des corps, ou est-ce que c'est la construction de la masculinité et de la féminité? Et ça, je trouve que, justement, si on prend le bodybuilding au sérieux, on est obligé de mettre de côté la question de la fabrique du genre, malgré tout. C'est-à-dire... C'est pas une question... Alors, le bodybuilding ne concerne pas cette question-là. J'ai l'impression que la question de la performance du genre, elle passe pas par l'extrême discipline qu'exige le bodybuilding en soi. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se révèle dans le bodybuilding, c'est pas l'essence du masculin. Du coup, c'est surtout pas l'essence du féminin, on le voit bien, parce que là, c'est vraiment en contradiction. C'est autre chose. Ce qui se cherche dans cette affaire, c'est véritablement, je dirais, l'incarnation d'une sorte de modèle idéal. Je vais prendre un parallèle qui va paraître loin, mais au début de l'Origine des espèces, Darwin évoque le travail des éleveurs. Et il évoque le travail des éleveurs de pigeons, et il dit, il cite un éleveur de pigeons qui dit « Je peux dessiner sur le tableau la figure de n'importe quel pigeon avec des plumes, des gorges, etc. Et grâce à la sélection artificielle, je vais pouvoir produire ce pigeon que j'ai utilisé grâce à la sélection qui est une baguette magique. » Bon, ben, le bodybuilding, c'est un peu ça. Vous dessinez sur le tableau un corps, et n'importe lequel, et vous montrez que vous pouvez le construire par l'exercice. Et ça, c'est pour ça que je dis que ça dérange les normes de genre, au sens où ça dépasse la distinction du masculin, du féminin et de leur performance. Parce qu'en fait, tout le monde peut se donner ce corps-là, en fait, n'importe lequel. Vous êtes une femme, vous pouvez vous développer les deltoïdes, ou vous comprenez. Il y a un jeu qui est possible ici, avec ses modèles, avec ses idéaux, avec ses normes. N'empêche qu'un homme musclé rentre plus dans des normes de genre relevant du masculin, plus qu'une femme qui va développer une musculature où on va attendre d'elle qu'elle soit mince ou peut-être ronde. Mais les muscles chez une femme sont moins admis que dans une image d'un stéréotype masculin de virilité. Alors peut-être justement qu'il faut dissocier virilité et masculinité. En attendant, les muscles font plus partie d'un imaginaire masculin. D'accord, donc il n'y a pas d'Hercule au féminin, c'est ça que vous voulez me dire. Mais encore une fois, je pense que le corps du bodybuilder, quel que soit son genre, son sexe, etc., est un corps qui est scandaleux, un corps qui choque en fait. Et c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire, on pourrait dire que dans la performance du genre, il y a une volonté de se normaliser justement, de passer inaperçu, voilà. C'est une routine qui mène à la disparition, en fait. On ne veut pas être vu en tant que se singulariser. On veut juste incarner quelque chose. Le corps du bodybuilder, lui, il explose. Il s'expose. C'est-à-dire, il est fait pour être choquant, en fait. Pour créer une forme de stupéfaction, de stupeur. Or ça, on va dire, la performance du genre, elle est au contraire. Elle nous invite à nous fondre dans la masse. Sauf si on cherche justement à subvertir ces normes de genre. Par exemple, Judith Butler parle aussi des drag queens comme une performance qui justement va subvertir. C'est-à-dire en gros, en caricaturant des normes qu'on associe au féminin ou au masculin, on va subvertir, renverser en fait la norme. D'accord. Et donc, alors la question du coup, c'est qu'est-ce que subvertit ou en quoi le bodybuilder ou la bodybuildeuse sont-ils scandaleux? Qu'est-ce qu'ils subvertissent? Peut-être. Alors on peut être politique dans un autre sens, mais je dirais peut-être que finalement ce qu'ils subvertissent, c'est qu'ils dénoncent la mollesse. Il dénonce le laisser-aller, il dénonce la passivité, les corps mous qui se font passer pour naturels. Voilà. Il dénonce le fait que être atrophié, ça soit valorisable. Enfin, ça soit le corps qui fait passer inaperçu. Il nous montre que nous sommes capables d'autre chose que ce que nous sommes. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais encore une fois, puisque vous voulez qu'on parle beaucoup de la question de la transgression de genre, mais c'est aussi, par exemple, quand je disais ça peut passer inaperçu, mais aussi se singulariser. Je vais prendre le cas de Brigitte Bardot dans les années 60. C'est-à-dire, en fait, à un moment, apparaît sur les écrans, sur les pages des magazines, Brigitte Bardot. C'est-à-dire une forme de beauté absolument inouïe, avec une coiffure. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la rue, tout le monde se met à avoir la coiffure de Brigitte Bardot et à vouloir ressembler à Brigitte Bardot. Et dans cette affaire, ce qui est frappant, c'est qu'on a... Voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Brigitte Bardot, et puis il y a tous ces simulacres autour. C'est-à-dire toutes ces imitations, ces copies, ces... Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, il n'y a pas Brigitte Bardot et ses copies. Il y a bien cette imitation, il y a bien ce fait... Mais chaque personne pense être Brigitte Bardot. En prenant la coiffure de Brigitte Bardot, ne pense pas être juste une imitation de Brigitte Bardot. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, si on prend la dialectique platonicienne qui nous renvoie avec, vous savez, l'idéal, l'idée de lit, le lit de l'artisan et le lit du peintre, on a ces différents degrés de réalité qui sont, on a l'impression qu'il y a une dégradation ontologique. Mais dans le cas de la manière dont nous nous rapportons à nos corps, il y a quelque chose d'immédiat qui apparaît. C'est-à-dire, en fait, l'imitation veut passer pour la réalité. Et le corps du bodybuilder, oui, il répond à des normes, etc. Mais c'est mon corps. C'est mon corps et c'est moi qui ai réussi à le faire. Et donc, il n'y a pas de dégradation ontologique dans cette affaire. C'est un corps qui s'impose. Au contraire, il y a même plutôt une sorte d'affirmation de la singularité et de son corps, comme de dire mon existence apparaît à travers ce corps, mon existence singulière apparaît à travers ce corps. C'est presque un idéal d'authenticité, finalement. Oui, donc c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est que la norme ne s'impose pas de l'extérieur à l'individu pour l'aliéner. Mais il y a dans la reprise de la norme quelque chose qui me constitue en tant que sujet, mais c'est même pas en tant que sujet, c'est en tant que personne entière, en fait, corps et âme. Parce que sujet, qu'est-ce qui vous pose problème avec le terme de sujet? C'est qu'il est pas assez fort pour... Ça serait juste, si vous voulez, quelque chose d'un peu désincarné, quoi. Je suis moi, etc. Là, en fait, on voit bien que c'est pas juste affirmer je suis moi. Et que justement, c'est ça qui est très intéressant dans la question de ce rapport dialectique entre le corps et l'âme, en fait. Et entre les idéaux et l'incarnation. C'est qu'en fait, on voit bien que le corps ne compte pas pour rien. Et c'est peut-être ça la grande leçon du bodybuilding pour la philosophie. C'est-à-dire le fait que on n'est pas amoureux simplement d'une idée, en fait. On doit l'incarner. Et donc, le corps est au cœur de cette affaire. Eros n'est pas indistinctement beau et digne d'éloge. Seul l'est l'Eros qui incite à l'amour qui est beau. L'Eros qui relève de l'Aphrodite vulgaire est véritablement vulgaire, en ceci qu'il opère à l'aventure. C'est ainsi qu'aiment les gens de peu. L'amour de ces gens-là présente deux caractéristiques. Premièrement, il ne va pas moins aux femmes qu'aux garçons, pas moins au corps qu'aux âmes. Et deuxièmement, il recherche les partenaires les moins bien pourvus d'intelligence qu'il soit possible de trouver, car il n'a d'autre but que de parvenir à ses fins, sans se soucier de savoir si c'est de belle façon ou non. De là vient évidemment qu'il fait l'amour au hasard, sans se demander si son action est bonne ou si c'est le contraire. Cet Eros-là, en effet, se rattache à la déesse Aphrodite, qui des deux est de beaucoup la plus jeune, et qui par son origine participe à la fois de la femelle et du mâle. L'autre Eros, lui, se rattache à l'Aphrodite céleste. Celle-ci, premier point, participe non pas de la femelle, mais seulement du mâle, ce qui fait qu'elle s'adresse aux garçons. Second point, elle est la plus ancienne des deux, ce qui fait que l'insolence n'est pas son lot. De là vient que se tournent vers le sexe mâle ceux qu'un tel héros s'inspire, chérissant le sexe qui a naturellement le plus de vigueur et le plus d'intelligence. Vous venez de dire, Thierry Hoquet, qu'il fallait qu'une idée soit incarnée. On retrouve cette dimension de l'idée incarnée à travers ce texte de Platon, extrait du Banquet, interprété par François Raison. Donc, c'est le discours de Pausanias qui fait cette distinction entre l'Aphrodite vulgaire et l'Aphrodite céleste et qui, effectivement, relève dans cette Aphrodite céleste ce qui relève du sexe à la fois beau, on pourrait dire, mais aussi intelligent. Il y a donc une incarnation de l'idée, mais aussi une idée qui est désirable, on pourrait dire. Alors c'est tout le, toute la richesse et la ruse de Platon dans ce passage qui n'est pas très facile, moi je trouve. Hein. Mais dans la bouche de Pausanias, oui, c'est cette distinction entre les deux Aphrodites, donc. Une Aphrodite qui serait en quelque sorte vulgaire parce qu'elle se vautrerait dans la sensualité, et puis une Aphrodite donc céleste qui atteindrait à travers les corps le ciel idéal. Et puis donc cette idée que, en fait, ce que rajoute Pausanias dans cette affaire, et qui peut se surprendre ou choquer, c'est le fait que aimer des femmes ou aimer des hommes, ça n'est pas la même chose. Et que seul l'amour des hommes nous fait accéder à cette Aphrodite céleste. À l'intelligence. Voilà. C'est-à-dire transperce la chose sexuelle et la transcende pour en faire quelque chose d'idéal. Alors, c'est très surprenant. Et en fait, il y a deux choses dans ce mouvement. Je dirais tout d'abord, on pourrait dire, il y a une sorte de sublimation ou de récupération. C'est-à-dire, en fait, l'idée que, finalement, le corps érotique n'est pas juste un corps sensuel. Que donc, on doit le sublimer, on doit se sublimer en accédant à travers lui à autre chose. Et donc, que finalement la sensualité ne serait pas une fin pour elle-même, mais viserait à travers le rapport sensuel à une connaissance, à quelque chose de plus sublime, de plus relevé, de plus élevé. Et en même temps, donc, il y a cette affaire du décor qui sont en question. Et c'est là, à mon sens, que il y a un peu de, comment dire, un grain de sable qui se met dans la machinerie platonicienne, je dirais. C'est que c'est pas n'importe quel corps qui produit cette dialectique érotique. Alors Platon l'exprime en disant, enfin, ou Pausanias l'exprime en disant, c'est les corps mâles. Les corps mâles plutôt que les corps femelles, voilà. Mais en fait, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que on a bien la rencontre d'un corps qui est au principe de cette dialectique ascendante, si vous voulez. Il y a bien quelque chose au départ qui n'est pas de l'ordre de la connaissance. Et il me semble que cela éclaire de manière très intéressante le fait que, bien, toutes ces histoires où l'on connaît des sages qui vivent reclus, qui vivent tout entiers, consacrés, dévoués à la pensée, et qui tout à coup font une rencontre, en fait. Donc, le cas le plus célèbre, c'est peut-être celui de Gustav von Aschenbach, c'est-à-dire le personnage que Thomas Mann met en scène dans Mort à Venise. Mais en fait, il y a plein d'histoires du même genre. Je pense à une nouvelle de Mishima, où effectivement, on a l'ascète, l'intellectuel, celui qui vit pour la vie la plus sublime et les idées les plus hautes, et qui tout à coup fait une rencontre. Avec un corps. Avec un corps. On cite parfois aussi le vieux Goethe qui se serait entiché d'une jeune donzelle alors qu'il était déjà très âgé. Voilà, donc il y a ces histoires avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Mais qui disent quoi, en fait? Qui disent... Eh bien, en fait, qui disent que Pausanias a tort dans son histoire. En fait, c'est faux de dire qu'à travers les corps, on recherche l'idée. On aimerait bien le croire. Mais enfin, il me semble qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, des gens qui sont déjà installés dans l'idée, dans l'idéal, ils tombent dans le corps. Et donc, ça nous dit bien quelque chose d'essentiel dans cette affaire. C'est-à-dire que, certes, on peut tenter de sublimer nos passions et de traverser notre sensualité pour, mais au départ, faut pas oublier qu'il y a cette sensualité. Mais est-ce que cette sensualité, elle doit nécessairement nous mener vers l'idée ? Aussi, c'est-à-dire par exemple, revenons au cas du corps bodybuildé. C'est-à-dire que la sensualité du corps qui vraiment s'expose, s'entretient, est esthétique, plastique, doit forcément être vue comme un moyen d'atteindre une idée, ou au contraire, est-ce que c'est une pure célébration justement de ce côté charnel, sensuel, de la pure réalité ? Là est la question, je dirais. Donc je vous la pose. Là est la question. Okay. C'est-à-dire, en fait... Quand on regarde, par exemple, on va prendre une sculpture d'Antinoüs, voilà, une sculpture de beau corps masculin. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a deux chemins qu'on peut faire à partir de là. Si on suit Pausanias, on peut prendre la dialectique ascendante et se dire, à travers le corps d'Antinoüs, ce à quoi j'accède, ce sont certaines idées de beauté, d'harmonie, de perfection, etc. Et puis on peut avoir la dialectique, alors on va l'appeler descendante ou sociologisante, c'est-à-dire dire « Ah oui, mais en fait, à travers cette œuvre, en fait, on a un modèle, on a une incarnation, on a une jeune personne qui a été payée pour poser pour le sculpteur, etc. » On a tout un dispositif qui nous renvoie, qui désacralise l'œuvre d'art et qui, au lieu d'en faire l'incarnation d'une valeur ou d'un idéal, nous renvoie à ses conditions de production. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une photo, quand on observe un corps quel qu'il soit ? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on accède à travers ce corps à l'idéal ? Ou bien, est-ce que on ne fait que finalement sublimer des réalités banales et ordinaires ? Et là, c'est la question qui est intéressante. Mais justement, l'œuvre d'art, la photographie, la sculpture, etc., ou le corps du bodybuilder, il a ce statut intermédiaire qui est intéressant. Et c'est-à-dire, en fait... On ne peut pas dire qu'on recherche uniquement les valeurs ou les idéaux à travers le corps. Il y a bien une sorte de sensualité primaire qui est le niveau incontournable et indépassable de notre rapport aux valeurs, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut que ça se passe d'abord dans les sens. Sinon, on ne ferait pas d'art avec cela, voyez ? Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire évidemment, c'est pas un corps qui est uniquement fait pour être consommé, c'est un corps ambivalent. Mais ce corps artistique, il est d'abord un corps qui s'adresse au sens. Et vous dites même un corps récréatif, vous l'avez dit tout à l'heure, un corps récréatif, un corps de plaisir. Donc finalement, un corps qui doit avant tout, on pourrait dire charmer presque, plaire, séduire. Alors, là, il faut s'interroger justement, et c'est là aussi j'ai été un peu méchant avec Pausanias en disant qu'il était rusé et peut-être qu'il manquait quelque chose, mais il y a bien quelque chose. Si on se dit que ce corps est charmant ou séduisant, il faut se demander ce qui nous attire. Et c'est là que la dialectique des deux Aphrodites, voilà, est-ce que c'est l'idée qu'on essaye, est-ce que finalement c'est l'intelligence ou l'idée qui va prendre ses plus beaux atours pour tenter de capter l'attention, ou au contraire, est-ce que un corps est beau parce qu'on pourrait pressentir qu'il se cache, qu'il va nous dévoiler une forme d'idée supérieure? Qu'est-ce qui nous touche donc dans certains corps? Ouais. Est-ce que c'est justement la promesse épistémique, on va connaître, ou est-ce que c'est la promesse de sensualité? C'est ça la dialectique des deux Aphrodites. Et je crois que là-dessus, le romancier japonais Mishima nous offre des éclairages intéressants. Au sens où, ce qu'il observe, c'est que c'est pas simplement qu'il y a une sensualité dans ces corps, c'est qu'il y a aussi une sorte de rencontre paradoxal entre des moments d'intensité de vie sublime et des moments de mort, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous est donné à voir, c'est pas simplement la rencontre entre l'idéal et le prosaïque, c'est aussi une rencontre entre la vie et la mort. Mon nom est Yukio Mishima, je suis écrivain et auteur dramatique. J'ai 43 ans, je suis influencé profondément par l'Occident, mais je suis essentiellement traditionnaliste. Je suis aussi un samouraï par tempérament. L'acier possède une étrange particularité. Je m'aperçus qu'à mesure que j'augmentais son poids par degrés, l'effet rappelait l'action d'une balance. Le volume des muscles situés, pour ainsi dire, sur l'autre plateau, croissait à proportion, comme si l'acier avait eu pour tâche de maintenir un strict équilibre entre les deux. En outre, mes muscles acquirent peu à peu des propriétés semblables à celles de l'acier. Cette lente évolution, remarquai-je, ressemblait de façon frappante au processus éducatif qui remanie le cerveau intellectuellement en lui faisant absorber progressivement une nourriture plus difficile. Et puisque pour le corps la conception d'un idéal classique était toujours présente comme modèle et fin ultime, le processus rappelait de très près l'idéal classique de l'éducation. Les groupes de muscles qui sont devenus virtuellement superflus dans la vie moderne, bien qu'ils constituent encore un élément vital du corps humain, sont à l'évidence dépourvus de signification d'un point de vue pratique, et un beau corps musclé est pour la plupart des esprits utilitaires, aussi superflu qu'une éducation classique. Les muscles sont devenus progressivement quelque chose qui s'apparente au grec classique. Ressusciter la langue morte nécessitait la discipline de l'acier. Pour transformer le silence de la mort en éloquence de vie, l'aide de l'acier était essentielle. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du Soleil et l'Acier, le texte de Mishima qui date de 1968, interprété ici par François Raison. Et juste avant, on a entendu la voix de Mishima. Il donne un petit portrait de lui en disant « je suis essentiellement traditionnaliste », ce qui vous a fait sourire. Ce que moi j'ai découvert à travers ce texte, le Soleil et l'Acier, et puis à travers votre livre, Thierry Hoquet, vous venez de publier Le Mystère Mishima aux éditions Gallimard, c'est que Mishima était un adepte en fait du culturisme, on peut le dire. Il s'est beaucoup musclé, il a beaucoup travaillé sur lui-même, mais il y voyait non seulement une lutte avec les mots, c'est-à-dire développer les muscles contre les mots, mais aussi développer peut-être cette vie contre la mort, ce qui rejoint d'ailleurs d'une certaine manière le texte de Platon qu'on a entendu auparavant avec cette dissociation. Est-ce que le corps du bodybuilder fait plutôt le lien ou oppose l'idée et le corps? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire, c'est effectivement cette dialectique entre les mots et les muscles, un peu. Et elle est décrite dans le texte qui a été lu de manière très belle, parce qu'en fait, Mishima décrit la volonté de se donner un corps athlétique comme une manière de cultiver les lettres classiques. Pour lui, ce sont deux démarches équivalentes et qui ont quelque chose de scandaleux, en fait, parce que ce sont des démarches inutiles. Hein. Ces muscles ne sont pas faits pour servir, de même que on n'apprend pas le grec ancien parce que c'est utile. On le fait pour d'autres raisons. Alors, ce qui est frappant dans la trajectoire de Mishima, je trouve, c'est le fait que il y a quelque chose de scandaleux dans ce parallèle et dans le fait que pour un romancier, passer des heures au gymnase avec tout ce que ça implique de discipline et de sacrifice, c'est autant de retirer à la littérature. Donc, comment est-ce qu'un romancier peut pratiquer le bodybuilding? Tous ces traducteurs, etc., s'en offusquent. Il n'est pas venu me chercher à l'aéroport parce qu'il avait sa séance. Ça n'est pas acceptable. Et il y a quelque chose aussi d'obscène dans la manière dont un romancier pose à moitié nu, avec son corps en sueur, sortant de la salle de gym. Alors qu'il ne devrait être que intellect et replié sur lui-même dans son peignoir, dans une bibliothèque. C'est ça, en fait, l'image canonique de l'écrivain. C'est ça, l'image canonique de l'écrivain. Et c'est ça qui fait, du coup, que c'est quelque chose que je trouve bouleversant dans l'œuvre de Mishima, c'est-à-dire le fait de réaliser que, si l'on n'y prend pas garde, les mots sont de terribles petites fourmis blanches qui vont vous dépouiller jusqu'à l'os, en fait. Donc, les mots, en fait, doivent être contrôlés, les mots doivent être remis à leur place, les mots doivent être disciplinés, et la littérature elle-même, et son travail infini d'interprétation, et tous les livres que l'on produit, tout cela, cela doit être mis au placard, au moins pendant un moment. Au moins le temps de l'entraînement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la culture du corps permet finalement de remettre à sa juste place la culture tout court, on pourrait dire. Oui, alors Mishima va plus loin puisqu'il dit qu'en fait, il cisèle son style de même qu'il cisèle ses muscles, en fait. Et que donc, on pourrait dire, il y a des proses molles comme il y a des corps mous et des proses toniques comme il y a des corps toniques. Donc, il y a véritablement une homologie entre les deux espaces. Mishima, dans Le Soleil et l'Acier, utilise ce terme en anglais dans le texte de second language, donc de second langage. C'est l'acquisition d'une nouvelle langue, en fait, qui est en jeu. Et vraiment, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, de quoi rêve un romancier? Pas simplement d'écrire. Il rêve de produire un effet sur des lecteurs. C'est Proust dans son lit qui a écrit son petit article dans Le Figaro, et puis sa mère qui lui apporte le journal. Il ouvre le journal et il dit à ce moment-là, des dizaines de personnes, des centaines de personnes sont en train de me lire, et il rêve comme ça de l'impact que son texte va avoir sur les autres. Et puis tout à coup, il se dit, mais en fait non, parce que mon article n'est pas en première page, mais en 12e page. En plus, il est sur une mauvaise page, donc personne va le lire, en fait. Donc c'est ça dont rêvent les écrivains. Ils rêvent que leur textes produisent des effets. Or, un texte ne produit jamais ou rarement les effets qu'on pourrait attendre. Donc, les romanciers, les écrivains, tous les gens du texte, tous les gens sont à la recherche du moyen de produire des effets. Et ici, la nouvelle langue qu'il s'agit d'apprendre, qui est la langue du corps, c'est une autre manière de produire des effets. C'est un peu comme, on pourrait dire, recourir au vaudou pour utiliser une marionnette ou un homme de main qui agira à ma place. C'est toutes ces histoires où on envoie quelqu'un pour agir. Et c'est ce que raconte Mishima dans Les Amours Interdites. C'est l'histoire d'un vieux romancier, justement, dont les œuvres complètes font 36 volumes reliés, et qui, tout à coup, pour agir dans le monde, se prend un jeune homme qu'il va manipuler comme ça et dont il va faire un peu son homme de main. Voilà. Et à la fin du texte, il y a cette phrase: pour transformer le silence de la mort en éloquence de vie, l'aide de l'acier était essentielle. On voit bien, avec le parallèle avec la langue morte qu'est le grec, la manière dont justement travailler son corps, c'est aussi une manière de ressusciter ce qui est mort, peut-être ce qui est laissé en sommeil, ce qui est quand même une manière, une sorte de vitalisme un petit peu paradoxal, c'est-à-dire de dire qu'on ressuscite son corps alors qu'en fait on est déjà en vie, et que parfois justement cette culture du corps bodybuildé, frôle la mort, c'est-à-dire pousse les limites du vitalisme dans ses retranchements. Alors, effectivement, et pour Mishima, ce qui incarne cette alliance étrange entre la vie et la mort, c'est la sueur. Parfois, il évoque l'odeur aussi, mais la sueur, l'odeur, ce sont les manifestations secondaires qui font que, au moment même où le sportif ou l'athlète sort de son entraînement et après sa douche et se trouve devant le miroir, eh bien, on voit les gouttes de sueur qui perlent, et donc on voit aussi la mort qui est là. Donc le moment où le corps se fait, c'est aussi le moment où le corps se défait. Pour Mishima, c'est dans le fait que l'auriche de Delphes, ou bien les esclaves mourants de Michel-Ange, tout ça, ce sont des moments où justement il y a une sorte de pamoison qui est à la fois le moment de culmination et le moment de décomposition. Cette émission, Quincy Jones, I Know Corrida, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu cette chanson? Ben, en fait, I Know Corrida, c'est pas de l'anglais, c'est du japonais en fait, c'est I Know Corrida, c'est donc la corrida de l'amour, et c'est le titre japonais original du film qu'on connaît en français sous le titre L'Empire des Sens de 1976. Et donc, Aino Corrida, la corrida de l'amour. Alors, à l'heure où la corrida est quelque chose qui révulse beaucoup de nos contemporains, eh bien, ça dit quoi? Ça dit que dans l'amour, dans la sensualité, il y a quelque chose qui dépasse, en fait. Il y a déjà la présence de la mort. Donc, c'est très intéressant, c'est d'entendre, du coup, sur ce thème absolument terrible, de l'union d'Eros et de Thanatos, dans un titre disco qui est tout à fait... Dansant, on peut le dire. Absolument. Merci beaucoup, Thierry Houquet. De vous, on peut donc lire Le Mystère Mishima, c'est paru aux éditions Gallimard dans la collection Arcade, et puis aussi Les Presque Humains, Mutants, Cyborgs, Robots, Zombies, et Nous, paru aux éditions du Seuil cette année aussi. C'est France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment construire une éducation de l'humanité? Une éducation de l'humanité est-elle possible et même pensable? Je veux dire par là, une éducation étendue à l'humanité tout entière, étendue à l'ensemble de la planète, peut-être une éducation mondiale. Est-ce que ça n'est pas une illusion absolue, une sorte de mythe que même plus personne n'ose formuler aujourd'hui? Ce fut pourtant dans l'histoire de la philosophie, l'idée d'une éducation de l'ensemble de l'humanité, un principe et une idée tout à fait directrice. Pendant des siècles, et en particulier au moment de la Révolution française et de son écho inattendu dans le romantisme allemand, où les lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité faisaient notamment de la culture et de la tragédie des moyens précisément pour l'humanité d'accéder à la compréhension d'elle-même, à un accès direct au fond par la culture, à l'humanité dans son ensemble et pour toute l'humanité, comme s'il y avait au fond une éducation qui débordait les systèmes scolaires nationaux, mais qui est un véritable apprentissage par l'humanité d'elle-même et qui permet aussi une communication sur leurs enjeux fondamentaux de tous les humains entre eux. Aujourd'hui, cela peut paraître plus illusoire que jamais. Les systèmes scolaires sont déjà fragiles dans chaque culture et dans chaque société. Est-ce qu'on peut imaginer, avec aussi les totalitarismes partout dans le monde, une éducation de l'humanité dans son ensemble, une sorte de partage d'expériences, de drames aussi, et de valeurs communes dans ce monde déchiré, peut-être plus déchiré encore que ne le pensaient les grands esprits cosmopolitiques de la Révolution et du romantisme, et rejoignant ainsi les grandes idées aussi des philosophes de l'Antiquité. Au fond, la réponse est simple. Nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin d'une éducation de l'humanité et même, elle se produit sous nos yeux. Il y a aujourd'hui, dans certaines images, dans la circulation de l'information et des images, une éducation informelle de l'humanité qui se fait pour le meilleur et pour le pire, souvent sur le pire, pourrait-on craindre, à travers justement les réseaux sociaux, les soucis aussi mondiaux, la crise de la pandémie, la crise climatique et aussi même la crise démocratique sur laquelle nous avons des informations en temps réel sur tous les écrans du globe, même quand la censure cherche à les effacer et n'y parvient jamais entièrement. Il y a donc en acte, en quelque sorte, une éducation de l'humanité en train de se produire. Nous devons donc aussi la penser au même titre que la régulation du climat, de l'économie ou de la justice avec l'idée des crimes contre l'humanité. Cette éducation de l'humanité ne va pas passer par un programme scolaire mondial. Elle ne va pas passer par des écoles universelles, même si on peut imaginer, par exemple, qu'en Europe, il y ait un minimum de programmes scolaires communs et aussi une réflexion sur l'éducation commune et une réflexion sur l'éducation mondiale. Mais cela peut passer par un partage des vrais contenus culturels de l'humanité, par justement les tragédies, les grands textes des religions aussi, qui sont des textes humains très profonds et qui travaillent sur les mêmes crises et les mêmes problèmes pour tout le monde. Et au fond, finalement aussi, par un apprentissage commun des crises et des dangers et des grands principes aussi qui nous permettent d'y répondre aujourd'hui dans le monde. Il y a cette éducation de l'humanité en acte, mais la culture et évidemment aussi la philosophie, tout le savoir, les universités doivent aussi y contribuer par des échanges concrets d'étudiants, par l'apprentissage et la circulation des savoirs et des apprenants et du monde dans le monde lui-même, des étudiants et des enseignants. Au fond, par ce partage du monde, par l'éducation comme condition d'un monde commun. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Sisbert, avec Laurence Malonda à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui, Laurie Vachon et François Raison à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission et toutes celles sur les objets inattendus de la philosophie, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous lundi, auditeurs, auditrices, mais je vous donne rendez-vous à vous aussi lundi, Thierry Hoquet, puisque vous revenez pour inaugurer notre nouvelle série sur Donna Haraway, philosophe cyborg, philosophe américaine contemporaine. Et on commencera donc avec vous lundi sur le manifeste cyborg. Vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Vous êtes prêts ? Absolument. À lundi.